téléchargez l'application Radio France pour découvrir, écouter des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct. Après une longue lutte, les vaillants Gaulois ont été contraints de s'avouer vaincus. Le grand Vercingétorix lui-même dépose les armes aux pieds de César. Ou plus exactement, sur les pieds de César. Ah, c'est drôle, ah oui, ah, c'est drôle. Si c'est ça la plaisanterie gauloise. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le 29 août 2018, le chef de l'État, en visite à Copenhague, s'avisa devant la reine du Danemark de comparer le peuple luthérien qui l'accueillait avec celui que lui-même gouvernait, évoquant son admiration pour le modèle danois capable de réformes douces. Emmanuel Macron évoqua la différence culturelle qui séparait les deux nations, et à propos de la nôtre, il parla des Gaulois réfractaires au changement. Les Gaulois réfractaires, cela lui valut de la part des diverses oppositions aux deux extrêmes des réactions indignées envers un propos que lui-même présenta un peu plus tard en Finlande comme un trait d'humour qu'il ne désavoua pas pour autant. « Je les aime, s'écria-t-il, ces tribus gauloises, j'aime ce que nous sommes. » L'escarmouche n'était pas vouée à beaucoup s'enfler, mais elle était faite pour susciter une réflexion sur la portée d'une référence qui s'enracinait dans la très longue durée des réalités et des mythes, des connaissances et des stéréotypes. Étienne Bourdon, mon invité, maître de conférences en histoire moderne à l'université de Grenoble-Alpes, vient de coordonner un numéro de la revue Parlement sur ce thème, sous le titre « Nos ancêtres les Gaulois » avec un point d'exclamation. Nos ancêtres, fiers de leur liberté mais désunis, attachants mais querelleurs, guerriers redoutables, défaits à la fin des fins mais sauvant l'honneur et sachant tirer profit de l'apport de leurs vainqueurs romains pour le mettre à leurs mains et en perpétuer le meilleur. Telle est en tout cas l'image transmise par les manuels de la Troisième République. Oui, mais on constate bientôt que cette réputation-là n'était celle que d'un moment spécifique de notre histoire. Au long de deux millénaires, l'idée que les Français se sont faits des Gaulois, au tréfonds de leurs origines, a évolué selon toutes sortes de volutes, des volutes qu'on a le goût de restituer. Bibracte fait partie de notre passé, très bien. Elle n'est pas tout notre passé, c'est vrai. Les Gaulois font partie de nos ancêtres, c'est entendu, nous en avons bien d'autres, nul n'en doute. Eh bien, voyons ce qui nous rapproche, connaissons ce qui nous différencie, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est aussi une invitation à regarder cet horizon et bien au-delà. La France a toujours eu un esprit un peu gaulois. C'est l'une de ses forces, c'est aussi l'une de ses faiblesses. Mais dans une situation comme celle que nous connaissons, la seule réponse, c'est la poursuite de l'adaptation. Les Français ne peuvent pas se laisser dépasser par le monde tel qu'il évolue. Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes Français, à le moment où vous devenez Français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois et ces Vercingétorix. Mon père est hongrois. On ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec. On ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Étienne Bourdon, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas besoin, j'imagine, d'identifier les voix que vous venez d'entendre. Non, vous les avez reconnues. Tout à fait. Et dans cette longue suite de citations, on voit bien la permanence du mythe des Gaulois qui vous est si cher. En effet, ces archives sonores sont vraiment très intéressantes puisqu'elles présentent la dernière version d'un mythe bimillénaire qui est celui des Gaulois et qui offre une image stéréotypée de vrais Gaulois, hein, ceux-là évidemment, qui ont vécu sur un immense territoire mais qui se retrouvent évidemment essentialisés sur un immense territoire qui va quand même du sud des Pays-Bas aux Pyrénées, de la Bretagne à la Suisse, sur environ au minimum 5 ou 6 siècles, mais qui sont essentialisés en une seule personne, c'est le Gaulois, et qui effectivement est un mythe, puisqu'il est très très loin de la réalité historique, et qui colporte évidemment énormément d'informations, pas tant sur le vrai Gaulois ou les vrais Gaulois qui ont vécu dans l'Antiquité ou dans la période, dans la proto-histoire, mais sur la façon dont les sociétés se sont vues au travers de la figure de ce Gaulois, qui évidemment, encore une fois, est un personnage mythique. Il y a eu aussi des lieux qui ont été des lieux symboliques, Alésia bien sûr, et puis le mont Beuvray, Bibracte, où s'exprime François Mitterrand, président de la République, le 17 septembre 1985. On sait qu'il a songé un instant à se faire enterrer là, ce lieu où Vercingétorix a recueilli l'adhésion des autres tribus gauloises pour devenir leur chef. Ce que dit François Mitterrand au Mont Beuvray en septembre 1985 est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, il y a deux parties dans son allocution. La première partie est plutôt traditionnelle, elle reprend plutôt ce que d'ailleurs disait Charles de Gaulle, c'est-à-dire une position traditionnelle, les Gaulois seraient les ancêtres des Français, et en même temps, dans un deuxième temps, il a une position un petit peu différente, où là, il va insister sur la multiplicité des origines des Français, en disant certes, bien évidemment, les Français ont des ancêtres gaulois, mais ils n'ont évidemment pas que ces ancêtres-là. Il a un peu varié d'ailleurs, parce qu'il y a un entretien avec Marguerite Duras en mars 1986 où il écrit ceci qui paraît plus directement dans la ligne de la tradition de la République, la Troisième République. Les Français sont encore ceux d'il y a 2000 ans. On a tous les défauts des Celtes, parfois leurs qualités, ce côté un peu agité, contradictoire, révolutionnaire d'un peuple conservateur. Oui, tout cela se trouve déjà dans les débats et les disputes entre les tribus qui venaient disputer à Vercingétorix sa primauté. En un peu plus long, c'est à peu près ce qu'a dit Emmanuel Macron au Danemark. Tout à fait, tout à fait. Et Emmanuel Macron au Danemark réactualise le mythe gaulois. Et c'est intéressant parce que à ce moment-là, il s'adresse aux Français la communauté française du Danemark. Et il dit que les Danois qui sont plutôt d'origine luthérienne, eux, ne sont pas réfractaires au changement et que la culture danoise s'inscrit dans la culture européenne de la même manière que la culture gauloise s'inscrit dans la culture européenne. C'est intéressant parce que devant la communauté française, il va valoriser ce qu'on appelle la flexisécurité danoise, et en disant nos Gaulois ou nos descendants des Gaulois ne sont pas de cette culture-là, donc on ne peut pas l'appliquer. En revanche, ils sont de culture européenne. Et dans la culture européenne, il y a à la fois les traditions gauloises, mais aussi les traditions danoises. Et c'est une manière implicite de retourner le propos, c'est-à-dire de dissoudre le Gaulois dans la culture européenne et de laisser entendre que les Français étant des Européens, ils ont la possibilité, évidemment, d'être aussi sensibles à cette culture du changement. Il n'empêche qu'il a d'abord essentialisé le peuple danois et le peuple français avant de penser et d'affirmer qu'ils pouvaient se rejoindre, comme Sarkozy, lui, insistait davantage dans son propos tout à l'heure sur la diversité des origines, devant donner finalement un ensemble ramassé qui pourrait s'écrier nos ancêtres les Gaulois. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans la façon dont Emmanuel Macron reprend son propos quelques jours plus tard, il dit « j'aime les Gaulois, ce que nous avons été, j'aime la France ». Et donc, il revient effectivement à cette idée-là. Alors, Nicolas Sarkozy, évidemment, cet extrait est bien connu, il est fort intéressant, il faut le recontextualiser. On est en septembre 2016, on est au moment de la primaire de la droite. Il doit se positionner par rapport à Alain Juppé et par rapport à François Fillon. Et donc, il, dans une démarche de dramatisation identitaire, il va effectivement dire, à partir du moment où on devient français, nos ancêtres sont les Gaulois, évidemment, il mentionne les ancêtres symboliques, mais ça a fait évidemment beaucoup de bruit, même dans son camp, il a été critiqué notamment par Alain Juppé, parce qu'effectivement, ça pose de nombreux problèmes historiques, épistémologiques, identitaires. Il y a des Français de Martinique, de La Réunion, qui peuvent ne pas forcément se reconnaître, d'autres Français qui n'ont pas forcément des origines gauloises. Et enfin, le dernier problème, c'est la question de l'assimilation, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut véritablement s'assimiler pour s'insérer ? On peut d'ailleurs rappeler qu'un autre candidat, c'est-à-dire François Fillon, dans un discours fameux à Sablé dans la Sarthe, avait insisté sur la naissance de la France au moment de Clovis, c'est-à-dire la conversion du roi franc à la religion chrétienne, ce qui était une autre façon de dater le départ et qui nous conduit tout directement dans un débat qui s'est développé de siècle en siècle, et notamment dans les derniers siècles en France. Et d'ailleurs, François Fillon, tout de suite après avoir gagné la primaire de la droite, va à Clermont-Ferrand pour un meeting, et se compare à Vercingétorix, et dit que Vercingétorix avait infligé une défaite magistrale à César, et pourtant Vercingétorix n'était pas le favori des sondages. Il faut dire qu'il y a une très belle statue de Vercingétorix due à Bartholdi à Clermont-Ferrand qui avait été inaugurée symboliquement par le petit père Combe au début du XXe siècle. Cette statue de Bartholdi à Clermont-Ferrand a repris du lustre pendant l'occupation. En effet, puisque l'université de Strasbourg qui est déportée à Clermont-Ferrand à cette époque-là avait des résistants en son sein et on dit qu'ils se réunissaient autour de cette statue et que secrètement, le cheval de cette statue, le cheval de Vercingétorix, parlait gaulois, gaulois avec deux L, ce qui évidemment renvoie au général de Gaulle. Il faut dire que le nom de Charles de Gaulle, du point de vue de notre émission, était assez remarquable. C'est le moins qu'on puisse dire. Étienne Bourdon, je voudrais vous entraîner d'abord à Rome, puisque là aussi on a nourri beaucoup de stéréotypes envers les Gaulois, ce n'est pas une surprise. On avait un mauvais souvenir, bien avant la guerre des Gaules conduite par César, de l'arrivée de Brennus, qui avait, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui avait, en 390 avant Jésus-Christ, qui avait conquis Rome dans des conditions très, très brutales. Donc je voudrais que vous évoquiez maintenant ce qui s'est répandu dans la capitale, à Rome, sur les Gaulois. Est-ce que c'était négatif ou positif? Évidemment, les choses sont largement dominées par les commentaires de César, évoquant la conquête, la défaite des Gaulois, la conquête de la Gaule. Mais on ne peut pas se borner uniquement à ce texte fondateur. Effectivement, il y a plusieurs sources que l'on peut mobiliser pour comprendre de quelle manière le stéréotype du Gaulois se forge. Et il se forge, et ça c'est très intéressant, dès l'Antiquité, comme l'a montré Pascal Montlahuc. Il se forge de plusieurs manières. Il y a deux grands domaines. Le premier, évidemment, ce sont des informations objectives que l'on peut collecter parmi des auteurs grecs ou romains, et notamment, évidemment, César, au travers de ses commentaires sur la guerre des Gaules. Mais 50 ans plus tôt, il y a ce fameux Poséidanios d'Apamée qui s'est promené en Gaule et dont on a conservé seulement quelques extraits. Tout à fait, on a conservé que quelques extraits, mais César l'avait lu et utilise effectivement Poséidonios pour le livre 6 qui est consacré à la description de la société gauloise dans la guerre des Gaules. Alors il faut que nous fassions entendre quand même la voix de Jules César, si je puis dire. Voilà un extrait du commentaire sur la guerre des Gaules, où il se met, comme on sait, en scène lui-même, à la troisième personne, qui est un ouvrage évidemment largement de propagande en sa faveur, mais qui n'est pas libre d'un certain nombre de stéréotypes, de clichés, comme on va le voir dans cette lecture de Polémie d'Eybert, dans Analyse spectrale de l'Occident, de Pierre Cypriot, le 29 novembre 1958, extrait de la guerre des Gaules. Tous les Gaulois se prétendent issus de 10 patères. C'est une tradition qu'ils disent tenir des druides. C'est pour cette raison qu'ils mesurent le temps par le nombre des nuits et non par celui des jours. Ils calculent les dates de naissance, les débuts de mois et d'années, en commençant la journée par la nuit. Dans les autres usages de la vie, ils diffèrent surtout des autres peuples par une coutume particulière qui consiste à ne pas permettre à leurs enfants de les aborder en public avant l'âge où ils sont capables du service militaire. Et c'est une honte pour eux qu'un fils en bas âge prenne place dans un lieu public sous les yeux de son père. Les maris ont droit de vie et de mort sur leurs femmes comme sur leurs enfants. Lorsqu'un père de famille d'illustre naissance vient à mourir, ses proches s'assemblent, et si cette mort fait naître quelques soupçons, les femmes sont mises à la question comme des esclaves. Si le crime est prouvé, elles sont livrées au feu et aux plus cruels tourments et supplices. Les funérailles, eu égard à la civilisation des Gaulois, sont magnifiques et somptueuses. Tout ce qu'on pense que le défunt a chéri pendant sa vie est porté au bûcher, même les animaux. Il y a peu de temps encore, quand la cérémonie funèbre était complète, on brûlait avec lui les esclaves et les clients qui lui avaient été chers. Les États qui passent pour les mieux administrés ont des lois prescrivant que quiconque a reçu d'un pays voisin quelque nouvelle intéressant les affaires publiques doit la faire connaître au magistrat, sans en faire part à aucun autre, parce que l'expérience leur a appris que souvent, des hommes imprudents et ignorants s'effraient de fausses rumeurs, se portent à des excès et prennent les plus graves résolutions. Les magistrats cachent ce qu'il leur semble bon et ne livrent à la multitude que ce qu'ils croient utile de lui dire. Il n'est permis de parler des affaires publiques que dans l'Assemblée. Alors, Étienne Bourdon, observation ethnographique ou ensemble de stéréotypes, de clichés rassemblés ? Eh bien, un petit peu des deux, évidemment. C'est-à-dire que Jules César, qui connaît la Gaule, hein, évidemment, pour y avoir été, et, nous donne des informations fort intéressantes, et on le voit bien dans l'extrait qu'on vient d'entendre, notamment le fait que les Gaulois comptent le temps à partir des nuits, l'idée que l'âme est immortelle, le fait qu'ils auraient un dieu, alors il nous dit Dispater, on peut le commenter, mais... C'est un dieu romain, non ? Et tout à fait, c'est un dieu romain, c'est-à-dire que vraisemblablement ce serait peut-être Sucellos, le dieu, mais il utilise un nom romain pour désigner un dieu gaulois. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça permet d'identifier deux choses. La première, c'est que César ne fait pas œuvre d'ethnographe ou de sociologue ou de géographe de la Gaule. Il écrit pour porter, évidemment, son projet militaire et politique pour le défendre. Et ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire comprendre à son lecteur, c'est que les Gaulois sont bien évidemment des barbares, et ce qui, évidemment, ne fait que valoriser son œuvre de conquérant. Qu'il la justifie. Et en même temps, qu'ils sont romanisables. Et ils sont romanisables pourquoi ? Bah, parce que, finalement, ils ont des dieux qui sont comme ceux des Romains. Et ce qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs, on lui a beaucoup reproché à César, c'est que entre 46 et 44, il va intégrer certains nobles gaulois qui l'avaient inséré dans sa clientèle, il va les intégrer, il va les faire rentrer au Sénat. Alors ça, ils portaient les braies, c'est-à-dire des pantalons qui les caractérisaient et leur barbarie, et tout à coup ils vont porter la toge et devenir sénateurs, d'où beaucoup d'indignation au Sénat même. Exactement, ils vont, d'ailleurs Suétone nous le dit, il y a des affiches qui avaient été placardées sur le forum où il informait, ces affiches informaient les Romains en leur disant attention, les Gaulois ont quitté les braies pour mettre le latiniclave, ce qui veut dire évidemment le vêtement romain. Et donc méfiez-vous, et si jamais vous en rencontrez un sur le forum, surtout ne lui indiquez pas où se trouve la curie, c'est-à-dire le bâtiment où se réunissait le Sénat, afin de ne pas les y faire rentrer. Je vois écrit Cicéron qui rejoint César en l'occurrence. Il dit « Je vois se cacher l'identité romaine se perdre dans de l'Asium ». Que d'autres mœurs viennent s'infuser dans les nôtres, que Rome est un pêle-mêle d'étrangers où viennent se jeter des Gaulois et jusqu'à de ces gens à Bray, d'au-delà des monts, et qu'enfin il ne restera bientôt plus trace de l'enjouement des anciens. Effectivement. Et, xénophobie. Il y a un ton xénophobe très clair. C'est-à-dire que la dimension xénophobe dans la construction du mythe gaulois est absolument essentielle. Et elle vient évidemment de l'aristocratie romaine. Elle est relativement ancienne, hein, puisque là on est avec César. Et progressivement, elle va se construire en par rapport à une espèce de contre-modèle qui est celui de l'urbanitas et qui va effectivement ériger la figure du Gaulois en personne rurale, rustre, mal éduquée, etc. Et il y a notamment Sénèque qui joue un rôle très important là-dessus, et sa fameuse citation « Le coq n'est tout puissant que sur son fumier » est une citation qui effectivement contribue par l'humour à la construction de ce stéréotype. Et en effet, d'où vient cette citation ? Elle vient d'un ouvrage qu'il a écrit en 54 après Jésus-Christ, tout de suite après la mort de Claude, qui ne le portait pas dans son cœur, puisqu'il avait exilé Sénèque dès son arrivée au pouvoir en 41. Mais Claude était né à Lyon. Il était né à Lyon en 10, en l'an 10 avant Jésus-Christ. Lugdunum. Et voilà, et il devenait en fait la figure de l'empereur gaulois. Et ce que fait Sénèque, c'est que dans son ouvrage qui s'intitule « L'apocoloquintose du divin Claude », donc écrit en 54, apocoloquintose qui vient du terme coloquintis, qui désigne la coloquinte, la gourde, la calebasse, l'apocoloquintose veut dire en fait la gourdification du divin Claude, évidemment dans un jeu avec l'apothéose de l'empereur. Et ce qu'il souhaite faire, c'est là encore stéréotyper la figure du Gaulois et, comme pour César un siècle plus tôt, lui reprocher d'avoir intégré des Gaulois au Sénat, notamment, et de leur avoir permis, par l'extension de la citoyenneté romaine à de nombreuses cités dans les provinces, eh bien, les avoir fait rentrer, mis en concurrence, d'une certaine manière, avec l'aristocratie romaine. On observe que, d'ailleurs, Sénèque joue déjà sur la polysémie du terme gallus, qui signifie à la fois coq et gaulois. Nous y reviendrons parce que cette polysémie est mise en lumière au XVIe siècle. Mais auparavant, je voudrais que nous parlions de l'évolution des Gaulois, de leur image, dans le récit du monarchique du Moyen-Âge. Disons qu'ils sont passés dans une mauvaise période. Ils ont connu d'abord un temps où ils reculaient au profit des Francs qui sont devenus dominataires. C'est d'ailleurs un dialogue qui ne cessera pas, que nous retrouvons au XVIIIe siècle. Mais enfin, les Gaulois maltraités dans la première partie du Moyen-Âge, non ? En effet, ils sont tout à fait maltraités dans la première partie du Moyen-Âge, en gros jusqu'au XIIIe siècle. Ce qui domine, c'est que, non pas qu'on ne parle pas d'eux, bien évidemment, ils sont tout à fait présents, ne serait-ce que parce que de nombreuses sources antiques circulent, qu'on pense à César, évidemment, Salluste ou Tite-Live, mais les Gaulois sont insérés dans un récit beaucoup plus vaste, qui est celui d'une histoire qui se veut universelle, et auquel cas, ils sont un peuple, comme parmi d'autres, et ils n'ont absolument pas une place importante. Et on le voit bien d'ailleurs avec Grégoire de Tours, qui, rappelons-le, est quand même né à Clermont ou à Rion, c'est-à-dire en territoire arverne, pourrions-nous dire. Qui est le chroniqueur de Clovis. Tout à fait, et qui s'intéresse manifestement beaucoup plus aux Francs, dont il relate les origines, qu'aux Gaulois, desquels il ne dit guère de choses. Il faut attendre en fait le XVIe siècle. Et pour évoquer ce tournant, le tournant du XVIe siècle, écoutons donc cet extrait des illustrations de Gaulle et singularités de Troyes. On va voir surgir Troyes, les Troyens. C'est un ouvrage de Jean Lemaire de Belge. C'est une lecture de Jean-Pierre Leroux dans les Lundis de l'Histoire de Jacques Le Goff sur France Culture le 6 novembre 1995. Jean Lemaire de Belge, je suis sûr, Étienne Bourdon, que vous allez avoir beaucoup à nous en dire. La figure, devant mise au prologue, bien entendu, sert de beaucoup à singulariser Troyes et illustrer Gaulle selon notre propos prétendu, car nous n'entendons point faire l'un sans l'autre. Pour donc commencer à un bout, la première et plus digne illustration que nous puissions faire à notre nation gallique, c'est de montrer l'exposition de ce noble terme gallus, lequel est équivoque et dénote plusieurs choses, selon diverses langues. Car en l'étymologie grecque, il signifie « blanc comme lait ». En langue phrygienne, c'est-à-dire troyenne, il désigne les prêtres de la grande déesse Cybèle, mère des dieux, et un fleuve du dit pays. En français, c'est un coq, mais en langage babylonien ou hébraïque, c'est autant à dire comme sur onde ou surmontant les ondes. Et de ceux prennent leur dénomination une manière de navire qu'on dit galet ou galère, desquelles choses je prends à témoin trois bons auteurs, c'est à savoir Xénophon en ses équivoques, Isidore en ses étymologies et Saint Jérôme sur les interprétations des noms hébraïques. Donc, selon la dite dernière interprétation hébraïque, le premier entre les humains qui eut ce très noble surnom de Gallus fut Noé, le bon patriarche. Alors, qui est ce Jean Lemaire de Belge? Dites-nous tout sur lui, Étienne Bourdon. Alors, Jean Lemaire de Belge, en fait, c'est Jean Lemaire qui prend le nom de Belge en l'honneur d'un roi gaulois qui s'appelait Belgius. Donc, il montre bien par là son intérêt, évidemment, pour les Gaulois. Il a été historiographe de Philippe le Beau, donc duc de Bourgogne. Et il a ensuite été historiographe du roi de France, Louis XII, donc à partir de 1513. Et il publie, entre 1509 et 1512, Les illustrations de Gaulle et singularité de Troyes, qui est un ouvrage extrêmement intéressant, sur lequel on a beaucoup de choses à dire, qui relate les grandes étapes de la monarchie, de Noé jusqu'à Charlemagne. Et on voit bien dans le titre, il associe à la fois la Gaule et Troyes, parce qu'effectivement, une des traditions historiographiques était de dire que la Gaule avait été fondée par des Troyens qui avaient quitté Troyes en flammes, et donc faire des Gaulois des descendants des Troyens. Et même certains disent qu'ils auraient inspiré Troyes aussi, que c'est dans l'autre sens. Alors justement, c'est toute l'œuvre de Jean Lemaire de Belge, c'est-à-dire qu'il inverse totalement le récit. Et il introduit notamment toute l'histoire biblique, et il considère que lorsque Noé, à la suite de déluge, s'est arrêté sur le mont Ararat, évidemment, il a eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants, etc. Et au bout d'un siècle, Noé quitte les flancs du mont Ararat, navigue, arrive sur les côtes de ce qui va devenir la Gaule, et décide de fonder plusieurs royaumes, et le premier d'entre eux, nous dit Jean le maire de Belge, et la Gaule est le deuxième, c'est l'Italie, et évidemment ça a une importance. Et quelques années plus tard, il revient et il va déposer un de ses petits-enfants, Samothès, hein, qui est le fils de Japhé. Il dépose Samothès, qui va devenir le premier roi de Gaulle, et qui lui-même va avoir des enfants qui vont être différents rois. Il va y avoir des fondateurs de villes, il va y avoir Jupiter celte, qui au passage aurait fondé Alésia, et qui va donner aux Celtes leur nom. Il y aura ensuite Lugdus, qui va fonder Lyon. Ensuite, il va y avoir Belgius, et lui, il est extrêmement intéressant. Déjà, il permet à Jean le Maire de s'appeler de Belge, mais il est très intéressant parce que Belgius meurt sans descendance. Donc du coup, il faut évidemment régler le problème, et on va chercher un descendant d'un ancien roi gaulois qui ensuite était allé en Italie, qui était Hercule de Libye, un de ses descendants qui s'appelle Jasius, qui est élu, ça c'est important pour la façon dont on va percevoir la vie des Gaulois par la suite, et notamment au XVIe siècle, est élu roi des Gaulois. Or son frère est jaloux, son frère s'appelle Dardanus, il va tuer Jasius, et il va devoir s'enfuir. Et il va s'enfuir où ? Il va s'enfuir en Asie mineure, où il va fonder Troyes. Et ce récit est extrêmement intéressant parce que, du coup, les Troyens ne sont pas les ancêtres des Gaulois, ce sont les Gaulois qui sont les ancêtres des Troyens, ce qui évidemment... Un beau renversement, ce serait très flatteur. Un magnifique renversement, flatteur, parce que du coup, l'origine est noachique. On a une place de choix dans le récit biblique. Noachique, ça veut dire venant de Noé. Venant de Noé, tout à fait. Donc, c'est formidable pour les contemporains du XVIe siècle, parce que l'on a cette origine noachique, et en même temps, évidemment, les Gaulois seraient les pères des lettres, de la grandeur, de la philosophie grecque, étant donné qu'ils ont fondé Troyes. Cette émergence brillante des Gaulois dans la conscience collective, en tout cas la conscience des savants et des princes, est parfois contredite. Je vois qu'Érasme avait un grand mépris pour les Gaulois. Il écrit en extrême fin du XVe siècle, en 1499, un de ses amis poètes qui doit quitter ce royaume pour ne pas vieillir, dit-il, inter merdas gallicas. J'ai pas besoin de traduire. Tout à fait, il dit à son ami, surtout ne reste pas en Gaule, dans ce merdier gaulois, hein, inter merdas gallicas, le grand Érasme hein, qui dit ça. Alors, par la suite, il va changer un petit peu d'avis, parce que bon, il est quand même sous la protection de Louis XII, mais quand même, c'est tout à fait significatif. C'est-à-dire que ce... mythe gaulois est aussi un contre-modèle. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Or, Jean le Maire de Belge, dans sa chronologie des rois, évoque différents ancêtres, et notamment un certain roi gaulois Rémus, qui aurait été fondateur de Reims, évidemment, c'est la ville du sacre, qui aurait donné sa fille en mariage à un certain Francus, qui était quand même le petit-fils de Priam, roi de Troyes, donc une grande origine, et qui, lequel aurait donné son nom, évidemment, aux Français. Or, ce contre-discours plaît évidemment aux contemporains, parce que du coup, on se rend compte que les Gaulois ne sont plus des descendants des Troyens, ça c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est que, étant donné qu'on croit à cette époque-là, que les Francs sont eux aussi des descendants de Troyens. Finalement, vu que les Gaulois ont fondé Troie, que les Francs viennent de Troie, lorsque les Francs viennent s'installer en Gaule, en fait, c'est une histoire de famille. C'est-à-dire que ce sont d'anciens Gaulois qui ont séjourné un petit peu plus longtemps à Troie qui reviennent effectivement en Gaule. Et du coup, quand même, dans un contexte où il y a des rivalités entre François Ier et Charles Quint, eh bien, c'est bien de dire qu'on n'a pas été conquis par des Germains. L'instrumentalisation qu'on trouve aussi à l'occasion des guerres de la France en Italie, puisque vous avez évoqué l'Italie comme un des royaumes créés par Noé, mais enfin de façon inférieure. Ah ben bien sûr, puisqu'il est arrivé en second, ça c'est la première chose, que le roi Jésus qui régnait en Italie était en fait un ancien roi gaulois, ou descendant d'un ancien roi gaulois, donc il est évident que même dans les rapports, on pense au Concordat de Bologne évidemment, on pense à l'affirmation du gallicanisme, ben il est certain que c'est dans l'image de la nation, et ça c'est très très important, et dans l'image du pouvoir royal, il y a évidemment une position dominante qui est affirmée par le biais du récit historique. Donc nous voyons que les Gaulois ont été très utiles longtemps avant les déclarations d'Emmanuel Macron à Copenhague. C'est sûr. Ça vérifie. Je vois qu'au tournant de 1550, on voit vraiment commencer d'apparaître une vraie gallophilie. Par exemple, au travers des ouvrages de ce grand humaniste qui a été Guillaume Postel, et qui évoque l'histoire mémorable des expéditions depuis le déluge faites par les Gaulois et les Français depuis la France jusqu'en Asie et en Thrace, ça va dans le sens que vous dites, et dans l'orientale partie de l'Europe. Et c'est à ce moment-là, en fait, que les Gaulois deviennent vraiment nos ancêtres. Effectivement, on commence à les appeler nos ancêtres. Alors parfois, chez certains auteurs, on a à la fois les Germains qui sont nos ancêtres et les Gaulois en même temps. Mais petit à petit, il y a une véritable gallophilie. Le XVIe siècle, comme le disait Christophe Pomian, est le grand siècle des Gaulois. Effectivement, il y a une gallophilie très forte. Les Gaulois deviennent nos ancêtres. Et notamment, par le biais de leur vigueur guerrière, qui avait tant fait peur aux Romains, eh bien, ça permet de valoriser les conquêtes auxquelles on aspire au XVIe siècle, et notamment dans le cadre des guerres d'Italie. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Donc tout l'argumentaire historique, linguistique, géographique et moral se met en place à ce moment-là. Exactement. Et va durer un bon moment. 17e, 18e, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Étienne Bourdon? Très longtemps, même d'une certaine manière jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à ce que Astérix joue un rôle important dans la dernière version du mythe gaulois. Mais Astérix qui va ressurgir à la fin, et je l'ai mis dans l'intérieur de notre générique, vous l'avez sûrement remarqué. Oui, tout à l'heure. Mais gardons Astérix pour tout à l'heure, si vous voulez bien. Donc, au XVIe siècle, tous les ingrédients sont présents pour l'évolution du mythe, et notamment dans l'idée que l'on se fait de la nation française à ce moment-là, dans ce qu'on pourrait appeler la francité, et qui est notamment portée par des historiens comme Jean Boucher, qui a recours à un néologisme en 1527, qui est celui de celtosité. C'est-à-dire qu'il y a des éléments constitutifs de l'identité de ce qu'est un Français qui sont suffisamment forts pour que, à ce moment-là, effectivement, on considère que l'identité des Français est finalement, en grande partie, structurée par ce que l'on estime que les Gaulois ont dû être quelques siècles auparavant. Alors, il y a une dernière idée qui est fondamentale au XVIe siècle, c'est que les Gaulois, et ça c'est tout à fait nouveau, sont porteurs d'un discours politique. Et en effet, on fait remarquer que, et notamment chez les protestants, que à l'époque des Gaulois, il y avait ce qu'ils appellent une république des druides, on le trouve chez Noël Taillepied en 1587, ou chez François Hautemann, qui rappelle, ou Pierre de la Ramée, qui rappelle que, à l'époque, les Gaulois choisissaient leur roi, ce qui est évidemment un moyen de lutter contre le tyran. Du coup, on appelle le roi à tenir compte des différentes catégories de la population, et notamment, François Hautemann dit, en s'appuyant sur Aristote, Platon, Polybe, qu'il faudrait que le roi mette en place un régime qui soit celui de la monarchie, en s'appuyant sur l'aristocratie et en tenant compte de, il nous le dit, la démocratie, c'est-à-dire l'État où le peuple est souverain, nous dit-il. Et ça, bien évidemment, les Gaulois deviennent une espèce de contre-discours politique pour dénoncer la tyrannie du roi. J'observe qu'on voit surgir là les druides pour la première fois dans notre conversation, alors qu'ils sont une composante importante de l'image des Gaulois qu'on nous a transmise. Mais vous parlez de l'opposition entre Gaulois et Francs, de fait, et on arrive à ce grand débat du XVIIIe siècle, incarné par deux personnages, en général Boulainvilliers, dont la rue est toute proche de cette maison de Radio France, et d'autre part l'abbé Dubos. Prééminence des Francs ou des Gaulois? Attardons-nous un instant, si vous le voulez bien, Étienne Bourdon, sur ce point. En effet, et dès le XVIe siècle, il y a une idée se développe, notamment dans la noblesse, que la noblesse serait descendante des Francs, alors que le peuple serait descendant des Gaulois. Et au XVIIIe siècle, Boulainvilliers, dans son essai sur la noblesse, donc en 1732, insiste beaucoup sur cet aspect-là, et ce qui, pour lui, est une manière de montrer l'infériorité du peuple sur sa noblesse, d'autant que les nobles étant d'origine franque, ce sont quand même eux qui ont vaincu les Gaulois. Protestation de l'abbé Dubos, même si la querelle est moins simple qu'on ne l'a souvent résumé, et qui lui, au contraire, défend les Gaulois d'une manière qui va évidemment être très lue au moment de la Révolution. Montesquieu a contribué peut-être à simplifier cette querelle. Oui, tout à fait. Et au moment de la Révolution, eh bien, on voit bien de quelle manière la figure du Gaulois, puisqu'il est, il a donné naissance au peuple, la figure du Gaulois a revêt de nouveaux habits qui sont ceux des révolutionnaires. Et en effet, la révolution est perçue comme la grande victoire du peuple sur la noblesse. Et cela va très loin, puisque même, rappelons-nous que l'abbé Seyès a fait remarquer que puisque les nobles se disent d'une autre origine, eh bien, pourquoi ne pourrions-nous pas les chasser et les renvoyer dans leur forêt de Germanie? Et significativement, le fameux Hébert, l'auteur du Père Duchesne, dans son journal en 1793, écrit ceci, stéréotype viril de la sans-culotterie. « Je me souviens d'avoir lu dans une vieille chronique de France que nos pères s'appelaient les Gaulois. C'étaient des bougres à poil, aussi intrépides que nous et aimant la liberté autant que nous. » Fin de citation. En effet, il y a la figure de l'Hercule gaulois qui est derrière, qui là encore se met en place au XVIe siècle, qui est reprise au XVIIIe siècle, notamment dans le contexte des guerres révolutionnaires. Qu'est-ce que c'est l'Hercule gaulois? Alors l'Hercule gaulois, c'est une fusion entre plusieurs Hercules, et notamment un Hercule gallique et l'Hercule ognios, qui est un Hercule qui est à la fois fort comme Hercule, et qui en même temps manie le verbe avec tant d'éloquence qu'il enchaîne, hein, il est représenté avec des chaînes qui sortent de sa langue, qui l'enchaîne ses auditeurs, qui est figure qui a été notamment utilisée pour Henri IV, le roi pacificateur, et qui parvient à ramener le calme dans le royaume de France. Et bien, cette figure-là est réutilisée au moment de la Révolution française, de façon à valoriser les guerres révolutionnaires. Oui, la horde gauloise devient en fait un motif de l'imaginaire de la levée en masse, des soulèvements. Guillaume Mazot le montre très bien dans votre ouvrage que vous avez coordonné. Tout à fait. Et il montre aussi de quelle manière la figure du Gaulois contribue à nourrir les rêves de cosmopolitisme et de fédération des peuples par le biais de des conquêtes territoriales. Et ce qui est curieux, c'est que vraiment ils servent à tout, puisqu'ils servent aussi à justifier l'ordre existant. En effet. Et tout le monde s'appuie en fait sur les Gaulois, d'une manière ou d'une autre, et notamment au moment de la nationalisation des biens du clergé, eh bien, le clergé fait valoir que ces biens, il les possédait avant même l'arrivée des Francs, à l'époque des Gaulois, donc il n'y a absolument pas lieu, évidemment, de les remettre en cause. L'époque romantique est également intéressante du point de vue qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire cette réflexion sur les Français, sont-ils d'éternels Gaulois ? Que nous menons de concert, Étienne Bourdon. Écoutez cet extrait de l'Histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'en 1789 de Henri Martin, qui a son boulevard à Paris, comme vous le savez, 1837. C'est une lecture par Maxence Melfort dans les lieux de mémoire de Geneviève Ladouès sur France Culture, le 18 février 1996. Henri Martin. Ce sont encore ces grands et larges hommes du Nord, à la peau blanche, au crin blond ou rouge, au regard torve, jaillissant de prunelles azurées ou verdâtres, à la voix rude et retentissante, ces guerriers terribles à l'attaque, mais facilement rebutés par les fatigues et les longs travaux, supportant bien le froid et la faim, mais mal la chaleur et la soif, et fondant parfois comme la neige de leur climat. Henri Martin, il ne faut pas le confondre naturellement avec ce militant communiste qui s'accrochait sur les voies du chemin de fer français pour empêcher les troupes françaises d'aller en Indochine. Aucun rapport. Henri Martin, c'est l'homme de l'avenue. Ce passage est assez topique, non ? Oui, tout à fait. Puisque là, on retrouve vraiment le Gaulois essentialisé, hein, ces guerriers faciles à l'attaque, mais facilement rebutés, mais qui là encore reprend une idée qu'on trouvait déjà au XVIe siècle. Et on pense notamment à Jean Bodin, les six livres de la République en 1576, qui, avec une misogynie absolument incontestable, disait que les Gaulois étaient plus qu'hommes au commencement des batailles et moins que femmes à la fin. C'est-à-dire que c'est une idée qui est effectivement très ancienne et qui renvoie évidemment à la théorie des climats. Hein. Les conditions géophysiques d'un lieu déterminent évidemment les aptitudes des humains et qui est portée par Henri Martin ici, qui écrit en 1837, qui s'appuie sur un ouvrage publié 9 ans plus tôt, en 1828, celui d'Amédée Thierry. C'est le frère d'Augustin Thierry. Tout à fait, c'est son frère. L'histoire des Gaulois, qui, même s'il ne s'appuie pas sur une grande documentation archéologique, eh bien, valorise la figure du Gaulois et qui va être un ouvrage de référence pendant à peu près un siècle. Non sans attirer déjà quelques moqueries. Je vois qu'Edgar Quinet, en particulier, met en boîte, si je puis dire, Amédée Thierry. En effet, il va s'inscrire dans ce vaste mouvement d'intérêt pour les Gaulois que l'on rencontre au XIXe siècle et porté notamment par Napoléon III qui va financer des fouilles, notamment à Lésia dès 1861. Alors il faut s'attarder un instant sur Napoléon III pour voir quel usage il a fait des Gaulois et en particulier de Vercingétorix en affirmant en effet que c'était à Alésia, on en doutait encore un peu parfois, qu'avait eu lieu la bataille fatale que nous connaissons, fatale mais riche finalement d'enseignements à ses yeux. Il lance les fouilles à Alice-Sainte-Reine assez rapidement et dès 1865, il finance l'érection de la statue de Vercingétorix par Aimé Millet en utilisant à son profit toute l'image des Gaulois, et notamment il y a une inscription sur le piédestal de la statue qui invite les Gaulois et leurs descendants, c'est-à-dire les Français de l'époque, à être unis autour de leur chef. C'est le moment où fait florès l'expression neuve de gallo-romain, où on essaye d'enserrer à la fois l'idée qu'ils ont été très vaillants dans leur effort pour résister, et qu'ensuite les Romains sont arrivés avec grand mérite pour apporter la civilisation. C'est-à-dire que les Gaulois sont à la fois, un peu à l'image de Vercingétorix, de glorieux vaincus, hein, qui finalement ont tellement bien combattu que sont un petit peu des vaincus vainqueurs, mais à qui il manquait les lumières de la civilisation apportées effectivement par Rome. C'est peut-être le lieu de dire que cette image d'une sorte de barbarie gauloise a été très largement remise en cause par les travaux des spécialistes, je pense à Jean-Louis Bruno, à Christian Goudineau, etc., et d'autres depuis quelques décennies. Ils ont montré que les Gaulois ont apporté aussi beaucoup auparavant à la civilisation romaine. Bien sûr, ils ont apporté beaucoup. Et les campagnes gauloises n'étaient plus du tout celles que décrit César, faites de forêts. Il y a eu énormément de défrichements. C'était un territoire animé d'une activité économique intense. Ils sont à l'origine de nombreuses inventions, agricoles notamment, mais qu'on pense aux tonneaux, aux matelas, etc. Bien sûr. Une orfèvrerie importante aussi. Quelle langue parlait-il ? Le gaulois. Et on l'a perdu ? Il en reste des traces dans le français. En revanche, quand ils écrivaient soit en romain, soit en grec. Alors maintenant, il faut que nous en venions à la manière dont, dans l'éducation nationale, l'instruction publique, la manière dont on s'est saisi des Gaulois, de leurs mythes, des stéréotypes, des clichés multiples qui les entourent, au profit de l'école de la République. En effet. Et l'école de la Troisième République a joué un rôle très très important pour contribuer à diffuser la culture française, la langue française, l'histoire française, et donc des facteurs d'identité importants par le biais de la parole performative, c'est-à-dire qu'on dit que quelque chose est, et le fait de le dire, ça contribue à ce que ce soit, sans que, pour autant, ça l'était déjà. Tout ça au profit, évidemment, de la figure de Vercingétorix qui s'affirme décidément comme un héros français, alors que pendant très longtemps, au Moyen-Âge, il était un vaincu pour lequel on avait très peu de considération. Bien sûr, c'était un vaincu. Et puis, les rois de France n'avaient évidemment pas envie d'être rapprochés de cette figure. Mais là, les choses changent. Et on le voit dans différents ouvrages, notamment Le Tour de France par deux enfants. Le sous-titre, c'est quand même Devoir et patrie, en 1877. 6 millions d'exemplaires vendus. Donc, ça a vraiment modelé plusieurs générations de Français, en particulier les combattants de 14-18. Tout à fait, c'est un véritable bréviaire républicain. Eh bien, dans cet ouvrage-là, on nous présente Vercingétorix face à César, en miroir de Gambetta face à Bismarck. Et il y a effectivement la figure de celui qui va résister, même s'il va finir par perdre, qui va résister. Et il est donc une figure importante de la nation. C'est là que règnent les manuels de Lavis, avec les vignettes, notamment Vercingétorix magnifique, jetant les armes avec une extrême dignité aux pieds de César. Ah oui, tout à fait, et qui reprend plusieurs traditions. La tradition de Plutarque, évidemment, qui a une présentation de la reddition de Vercingétorix qui est différente de celle de César, puisque, nous dit Plutarque, repris par Dion Cassius d'ailleurs, Vercingétorix qui quitte de lui-même le camp fortifié, traverse les lignes romaines, surprend César qui s'attendait pas à sa venue, il caracole autour de César qui est assis sur son tribunal et descend vaillant de son cheval et jette ses armes. Évidemment, historiquement, ça n'a aucune probabilité d'avoir été, ça va de soi. Comment aurait-il pu quitter son camp alors que il y avait les troupes romaines étaient assurées un siège étanche? Évidemment, c'est pas possible, mais c'est pas grave, c'est repris à ce moment-là, et on nous montre ce glorieux vainqueur qui est Vercingétorix, et qui est plus grand, quelque part, que César. Et même son supplice final, puisqu'il est mis dans une geôle à Rome, et finalement étranglé, au lieu d'apparaître comme l'expression d'une défaite assez lamentable, devient quelque chose comme un martyr magnifique. Tout à fait, il y a même certaines interprétations qui rapprochent le sacrifice de Vercingétorix pour la nation à celui de Jésus-Christ pour l'humanité. Alors c'est là qu'on rejoint l'ambivalence des relations avec la droite catholique, qui est chagrine de voir Clovis reculer, bien sûr, sous le regard des républicains, mais qui en même temps intègre Vercingétorix. Écoutez donc, plutôt qu'un extrait du Petit Lavis, j'ai préféré vous faire entendre le manuel Histoire de la France de Guillemin et de l'abbé Leuster, un manuel de 1938 qui était lu dans la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin le 5 février 2001 sur France Culture. Et vous verrez comment il y a un effort intéressant pour assimilé au profit d'Emmanuel des écoles chrétiennes la légende, les stéréotypes entourant les Gaulois et Vercingétorix au premier chef. Dans ce cours élémentaire d'Histoire de France, nous avons cherché avant tout à être bien compris des jeunes enfants et à les intéresser. C'est pourquoi nous avons adopté le ton de la conversation la plus familière et si possible la plus pittoresque. Quant à l'esprit dans lequel nous avons rédigé notre manuel, c'est l'esprit essentiellement chrétien et français. Nous voulons dire que nous avons tenu à faire l'histoire de la France, fille aînée de l'Église. Puisse-t-elle, en les initiant à la véritable histoire, leur faire davantage aimer Dieu et la France. Première leçon, la Gaule et les Gaulois. Le beau pays que nous habitons était il y a 2000 ans couvert d'immenses forêts. Il s'appelait alors la Gaule. Ses habitants, les Gaulois, vivaient comme vivent aujourd'hui les sauvages d'Afrique. L'image vous représente un Gaulois. C'est un homme grand et vigoureux. Il a les yeux bleus, la peau blanche, de longs cheveux blonds qui flottent sur ses épaules et de longues moustaches tombantes. Petit 2. Comment vivaient les Gaulois? L'image vous représente une maison gauloise. Quelle pauvre maison! C'est une sorte de hutte ronde en terre séchée, couverte de paille. Elle n'a pas de fenêtre, mais une seule porte basse. Dehors, devant la hutte, trois Gaulois, accroupis par terre, sont en train de dîner. Que mangent-ils? Probablement du gibier, de gros morceaux de cerf ou de sanglier. Car c'est là leur nourriture habituelle. Ils n'ont ni assiette, ni cuillère, ni fourchette. À droite, on voit un Gaulois debout, la lance à la main. Son petit garçon l'accompagne, portant un arc et des flèches pour tirer sur les oiseaux. Il ne pense guère à aller à l'école. c'est qu'il n'y a pas d'école en Gaule. Les Gaulois sont des ignorants. Ils ne savent ni lire ni écrire. On dit que ce sont des barbares. Au contraire, les Français d'aujourd'hui sont des gens civilisés. Être civilisé, c'est être instruit, poli. Petit 3. Les Gaulois étaient païens. Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Ils adoraient toutes sortes de choses. Le tonnerre, les arbres, les sources. Pour faire plaisir à leur Dieu, ils tuaient parfois des hommes. Petit 4. Nos ancêtres les Gaulois étaient donc de pauvres malheureux, parce qu'ils ne connaissaient pas, comme nous, le bon Dieu. L'œil bleu me fait penser à Rimbaud qui lui avait étudié et connu les Gaulois encore sous le Second Empire, à Charleville, qui en 1873, dans Une saison en enfer, commence un de ses poèmes en prose de la façon suivante. « J'ai mes ancêtres gaulois, l'œil bleu blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte, colère, luxure, mensonge et paresse. » Là, c'est le contre-pied de ce que nous entendons dans ce manuel catholique scolaire. Tout à fait. Par contre, c'est un contre-pied assumé, très clairement. Et là, dans ce manuel, il y a évidemment plusieurs commentaires que nous pouvons faire. Le premier, c'est que on voit bien de quelle manière, on est en 1938, de quelle manière le mythe gaulois est inséré dans un discours plus traditionnel, qui est celui de la droite cléricale et monarchiste, hein, et qui insistait sur les Francs, sur la bataille de Tolbiac, Clovis et son baptême, et qui, petit à petit, entre la fin du 19e siècle et l'entre-deux-guerres, va intégrer effectivement le récit gaulois. Et ça nous rappelle que le mythe gaulois est aussi le résultat, d'un contre-discours politique interne à la France, porté par la gauche républicaine, l'école de Jules Ferry, face à cette droite cléricale et monarchiste. D'autre part, on voit bien dans cet extrait de quelle manière, bien évidemment, il y a essentialisation des Gaulois qui sont rapprochés, nous dit le manuel, des sauvages d'Afrique. Et en effet, ça c'est très très intéressant, c'est que on nous dit les sauvages d'Afrique actuellement sont sans culture, nécessitent par conséquent d'être civilisés, ce qui valorise la colonisation, de la même manière que les Gaulois ont été civilisés par la colonisation romaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit même que, d'un point de vue iconographique, les images qui servent dans les manuels scolaires, et notamment les petits lavis, reprennent tout un imaginaire iconographique qui est celui qu'on rencontre dans les colonies, et notamment les maisons des Gaulois sont représentées comme les huttes kanak ou encore les eribas d'Afrique du Nord, qui sont des espèces de huttes très sommaires, faites de paille et sans aucune fenêtre. Vous parlez des colonies et de l'utilisation des Gaulois par les colonisateurs, qu'étaient les Français. Écoutez donc, pour montrer la complexité du sujet, cet extrait d'un entretien avec Abdou Diouf, qui, comme vous le savez, était président du Sénégal de 1981 à 2000, qui a succédé à Senghor, dans l'émission Hors Champ de Laure Adler, dont on entend la voix, sur France Culture, le 12 juillet 2010. On m'a donné un livre d'histoire, Ernest Lavis. J'étais dans les premières classes de l'école primaire et cela m'a donné le goût de l'histoire. J'aimais beaucoup feuilleter ce livre, voir Henri IV à genoux, courant dans tous les sens avec ses enfants sur le dos, voir les druides cueillant le gui. Et cela me ramène à Astérix, dont je suis un fidèle lecteur. Le soir, pour dormir, vraiment, mon somnifère, c'est de prendre Astérix. Je rends hommage au génie de Goscinny et du Lerzo. Et c'est vraiment, j'ai l'impression d'être plongé dans la Gaule. Vous savez, nous disions à l'époque, dans nos livres d'histoire, nos ancêtres les Gaulois. Et vous le pensiez? On le disait pas très sérieusement, mais enfin, on était citoyens. Vous en rigoliez ou vous? Un peu, mais on était quand même citoyens de la République française. Moi, j'étais de Saint-Louis du Sénégal. Vous savez que les quatre communes du Sénégal, Saint-Louis, Dakar, Gorée, Rufisque, étaient composées de citoyens sénégalais. Donc, je me sentais pleinement de citoyens français. Je me sentais pleinement français. Senghor lui-même a souvent insisté sur l'ambivalence de la figure de Vercingétorix. C'est à la fois l'incarnation d'une résistance possible à une colonisation et en même temps l'incarnation d'une arrivée des Français au Sénégal apportant un certain nombre de valeurs et une culture à laquelle lui-même était très attaché. En effet, et l'extrait que nous venons d'entendre d'Abdou Diouf est très intéressant parce qu'il permet de retrouver la complexité du passé et il nous dit plusieurs choses, il énonce trois idées. La première, c'est que les petits Lavis lui ont donné le goût de l'histoire et bien évidemment, les petits Lavis étaient des ouvrages très bien faits, 19 manuels en tout, on dit souvent le petit Lavis, mais en fait ce sont les petits Lavis, et a priori, vu qu'il est né en 1935, il a dû avoir comme manuel les leçons préparatoire ou l'année préparatoire, qui est quand même un ouvrage qui, pour s'en tenir à la date de décès d'Ernest Lavis en 1922, ouvrage qui ont connu 130 éditions. Donc évidemment, un ouvrage extrêmement diffusé et dans lequel on trouve des scénettes, la cueillette du Guy, des cérémonies religieuses autour d'un dolmen, des huttes gauloises, et qui a nourri tout un imaginaire historique de façon incontestable. La deuxième idée qu'il nous dit, c'est que par là même, il se sentait citoyen français. C'est-à-dire que le manuel d'histoire et plus généralement le roman national que portent les manuels d'Ernest Lavis, eh bien, ces manuels scolaires qui étaient très bien faits ont porté le roman national et ils étaient évidemment extrêmement convaincants. Enfin, la dernière idée est qu'il rapproche les manuels d'Ernest Lavis d'Astérix et Obélix, qui évidemment sont une figure majeure du stéréotype des Gaulois. Qu'on a retrouvé même au temps des Gilets jaunes. Qu'on a retrouvé effectivement au temps des Gilets jaunes, et on le voit notamment sur des ronds-points, avec des Gilets jaunes qui ont le casque gaulois et qui appellent à une résistance gauloise. Merci, merci beaucoup. Merci Étienne Bourdon. Nous avons fondé, Étienne Bourdon, notre conversation sur ce numéro spécial de la revue Parlement, avec un S à la fin de Parlement, entre parenthèses. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un choix. Nos ancêtres les Gaulois, usage politique de l'histoire, de l'Antiquité à la Ve République. Les collaborateurs, j'ai plaisir à les citer, étaient Pascal Montlahuc, Franck Collard, Guillaume Mazot, Christian Amalvi et Patrick Garcia. Vous êtes spécialiste de fait de l'histoire des savoirs, d'où votre intérêt pour ce sujet, et notamment des approches encyclopédiques de la Renaissance. En effet, oui. J'ai travaillé beaucoup sur la plus grande encyclopédie du XVIe siècle, qui est celle, la cosmographie universelle de François de Belforêt, en 1575. Les Gaulois y sont présents ? Les Gaulois y sont présents, défendus avec vigueur. Vous avez publié en 2017 un ouvrage qui s'intitulait « La forge gauloise de la nation, Ernest Lavis et la fabrique des ancêtres » aux éditions de l'École normale supérieure. Et ce qui explique votre intérêt, qui est manifeste à vous entendre, sur les manuels, les petits Lavis, les manuels de ce personnage qui a tellement contribué à forger la mentalité de plusieurs générations de petits Français. Et puis, je citerai aussi l'ouvrage important de Sylvain Venère, « Les origines de la France, quand les historiens racontaient la nation », paru dans la collection L'Univers historique, au Seuil, en 2013. J'avais reçu, il y a quelque temps, Sylvain Venère sur ce thème. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, avec les références, vous le savez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et balado-diffuser, il faut dire ça de temps en temps, et balado-diffuser cette émission. Samedi prochain, nous parlerons avec Anne Lafont de l'art des Lumières, sous un angle particulier, la fabrique de la race. Il s'agissait de Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Johan Vincent, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Et maintenant, je passe le micro à Christine Ockrent pour Affaires étrangères.